Ouais, je m'installe, quoi. C'est rare que je parle de ça, mais... D'aplomb, comme les colons, j'accoste mon poste. Comme il n'y a aucune riposte, je ne change de poste. Je reste calme et lucide à la recherche du vide. Là où l'impossible rencontre le possible, l'engivré rencontre le lucide. Mes idées sont fluides comme les liquides d'un druide. Mes pensées sont chill, donc ne cherche pas ce qui n'existe pas. Car moi, je suis moi, donc valide. Mes paroles, je les pense, les développe comme mes sens. Que la nervosité te quitte, car moi, je te quitterai pas. Tant et aussi longtemps que tu resteras vent. Cette brise douce qui brise ma vie dure et qui me pousse vers un futur moins dur. Là où le calme règne et l'honnêteté baigne, ta présence sera mienne, peu importe les vents, peu importe le temps. Maintenant, vent doux, balade-toi partout, derrière ma tête, dans mon cou, ces vents me rendent fou. Et à jamais, ne me mélange jamais avec une autre plaie. Remets les compteurs à zéro, s'il te plaît, c'est une question de respect. Maintenant je pars, que les vents se lèvent, l'élève de la nature se réveille, avec plusieurs fractures du lendemain de l'avant-veille. Mais pareil, j'avance sans perdre, car les vents me gouvernent, berne jamais. Flatte mes veines dans lesquelles mon sang se baigne, que la paix règne et que les vents atteignent leur plaine. Oublie ça pas le temps, on prend l'avion à 11h. Il est quelle heure? Il est l'heure qu'on décolle, je t'attends dans le char. Ok. On peut-tu arrêter au dépanneur? Cool. Où on va? On va aller chill à Paris. Passe le fond, j'appelle maman. Marche, t'es Casey, on s'en va à Paris. Combien de temps? Pour la fin de semaine. Ok, bye, love. C'est ça la vie, c'est ça ma vie. Si j'ai envie de chill avec une dame à Paris, pour moi c'est ça la vie, bébé, tu sens bon. Merci Casey, c'est le patchouli qu'on a acheté samedi. Billet, s'il vous plaît, voilà. Merci. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Comment j'ai fait pour t'avoir, Casey? T'étais mortelle, coquette, en jeans comme en salopette. Tu me flattais, me supportais, calmais quand je m'emportais. T'ouvrais pas la porte quand Baby Love venait knock. Puis t'étais propre comme mon Glock. Je me foutais tes amis de ton style, avec moi t'étais chill. Je voulais une fille qui aimait drill, puis toi t'étais mon genre de fille honnête, vraie et chill. Généreuse, intelligente, patiente, t'étais avec le vice dans la peau, ma petite info. T'avais ce qu'il me fallait, ce qui me manquait. Je sais que j'aurais dû être plus honnête, plus net, mais quand c'est arrivé, je pensais pas à te blesser, je pensais juste à baiser. Dommage que c'était avec toi que j'ai appris le prix à payer de l'infidélité. Ce qui fait de moi un imbécile, le nom agile devant tes yeux qui brillent. Je pense, car je brime, j'ai brimé le rythme de ton cœur sans intérim. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Je pense à toi aujourd'hui, j'ai rêvé à toi cette nuit. T'étais belle comme une déesse avec ma mère chérie. J'ai fait la paix avec toi dans mon sommeil, dans mes rêves. Ma vie est plus pareille. Je te veux plus, te voudrais plus, non. Mais je pense à toi. Puis quand j'en peux plus, je regarde nos vidéos, nos photos. Comme le monde et les romans, un peu nono. Mais ça répare les bobos. Yo, je t'ai jamais épié, revu, téléphoné, entrevu. Je sais pas si t'es morte ou en santé, heureuse ou triste. Mais je te souhaite le parfait bonheur et pas peur. De la santé, de la vigueur, du courage, du cœur. Moi j'ai fait le con, j'avais peur. Aujourd'hui je regrette rien, ma vie tient sur un fil. C'est mon enfance, mon destin. Vaut mieux que je meure seul que de te faire du mal. Au revoir, je... Cristal d'un gangster. C'est bien beau d'aimer une fille, ou une fille aimer un gars, ou une fille aimer une fille, etc. Mais l'amour, ça se vit d'une million de façons. Le principal, c'est d'aimer sans effort, sans jeu, d'être vrai. Comme ça, ben si on t'aime pas, on t'aime pas pour toi. Et puis si on t'aime, eh bien on va t'aimer pour toi. Lâche pas. Ok. Inch'Allah. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, t'étire. Fais-moi sourire. Montre-moi Montre-moi où est ta cible sensible pour que je te mire, te tire, te tire. Fais-moi sourire. Fais-moi sourire. Ah, t'es beau de sourire, toi. T'as toujours de bonnes questions, toi. J'aimerais remercier Vidéofac pour leur grand, grand support et Musique Plus en général. Puis pour ce qui est du show, ben, je suis pas bien placé pour commenter.